Marc chapitre 4. Puis il se mit encore à enseigner près de la mer, et de grandes troupes s'assemblèrent vers lui, de sorte qu'il monta dans une nacelle, et s'étant assis dans la nacelle, sur la mer, tout le peuple demeura à terre sur le rivage de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des similitudes, et il leur disait dans ses instructions, « Écoutez, voici, un semeur sortit pour semer. Et il arriva qu'en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent, et la mangèrent toute. Une autre partie tomba dans des lieux pierreux, où elle n'avait guère de terre, et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil fut levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle se sécha. Une autre partie tomba parmi des épines, et les épines montèrent, et l'étouffèrent, et elle ne rendit point de fruits. Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et rendit du fruit, montant et croissant, tellement qu'un grain en rapporta 30, un autre 60, et un autre 100. Et il leur dit, « Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. » Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogèrent touchant cette parabole. Et il leur dit, « Il vous est donné de connaître le secret du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles, afin qu'en voyant ils voient, et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent, et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que leur péché ne leur soit pardonné. » Puis il leur dit, « Ne comprenez-vous pas cette parabole, et comment donc connaîtrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur c'est celui qui sème la parole. Et voici, ceux qui reçoivent la semence le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée, mais après qu'ils l'ont ouï, Satan vient incessamment, et ravit la parole semée en leur cœur. De même, ceux qui reçoivent la semence dans des lieux pierreux, ce sont ceux qui, ayant ouï la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont point de racines en eux-mêmes, et ne sont que pour un temps, de sorte que l'affliction et la persécution, s'élevant à cause de la parole, ils sont incessamment scandalisés. Et ceux qui reçoivent la semence entre les épines, sont ceux qui entendent la parole. Mais les soucis de ce monde, et la tromperie des richesses, et les convoitises des autres choses étant entrées dans leurs esprits, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, sont ceux qui entendent la parole, et qui la reçoivent, et portent du fruit, l'un 30, et l'autre 60, et l'autre 100. Il leur disait aussi, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un boisseau, ou sous un lit? N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? Car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, et il n'y a rien de caché qui ne vienne en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, mais à vous qui entendez, il sera ajouté. Car à celui qui a, il lui sera donné, et à celui qui n'a rien, cela même qu'il a lui sera ôté. Il disait aussi, le royaume de Dieu est comme si un homme, après avoir jeté de la semence dans la terre, dormait, et se levait de nuit et de jour. Et que la semence germa et crut, sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Et quand le blé est mûr, on y met incessamment la faucille, parce que la moisson est prête. Il disait encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle similitude le représenterons-nous? Il en est comme du grain de moutarde, qui, lorsqu'on le sème dans la terre, est bien la plus petite de toutes les semences qui sont jetées dans la terre. Mais après qu'il est semé, il lève, et devient plus grand que toutes les autres plantes, et jette de grandes branches, tellement que les oiseaux du ciel, peuvent faire leur nid sous son ombre. Ainsi, par plusieurs similitudes de cette sorte, il leur annonçait la parole de Dieu, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Et il ne leur parlait point sans similitude, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples. Or, en ce même jour, comme le soir fut venu, il leur dit, « Passons de là-haut. » Et laissant les troupes, ils l'emmenèrent avec eux, lui étant déjà dans la nacelle, et il y avait aussi d'autres petites nacelles avec lui. Et il se leva un si grand tourbillon de vent, que les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elles s'emplissaient déjà. Or il était à la poupe, dormant sur un oreiller, Et ils le réveillèrent, et lui dirent, « Maître, ne te soucies-tu point que nous périssions ?» Mais lui étant réveillé, quand ça le vent, et dit à la mer, « Tais-toi, sois tranquille. » Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre, « Mais qui est celui-ci, que le vent même et la mer lui obéissent ?»